Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle émission de Sans pleurs et sans reproches. C'est la première en vivant, en direct dans les studios de Galaxy Radio pour l'année 2026. Aussi, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous remplisse de bonheurs musicaux notamment. On est en 2026, plus de 35 ans d'émission, mais on ne change rien à un système qui est gagnant, ma foi. Là, pour ce lundi, ce sera la sélection de la semaine. Et le groupe Deadly Sins, avec l'album Mad Mind of This World. Et ça tombe bien, puisque Cyril de Deadly Sins nous fait l'honneur, le bonheur d'être dans les studios de Galaxy Radio pour être interviewé et parler notamment de la sortie de cet album qui est paru la semaine dernière, le 22, si je ne me trompe pas. On s'est écouté en guise de préambule le morceau Animals. Au programme de ce volet de Sans pleurer sans reproche pour ce soir, il y a donc l'interview de Cyril, hein, Deadly Sins. Il y a la présence de Jean-Luc Marchal. Malheureusement, il y a l'absence de Pierre Degarde, que je salue et à qui je souhaite un prompt rétablissement. Mais toutefois, je pense qu'on va passer ces séquences parce qu'elles sont vraiment bien. On retrouve nos deux sélections d'il y a deux lundis. Hein, et je suis très très content de la découverte de ce groupe roumain qui s'appelle Nexium Atra. C'est un projet solo mené par Aaron Zerom, que je remercie vivement. Son premier album, The Void, évolue dans de nombreux styles. Ça s'inspire de l'EBM, puissante à la Frontline Assembly et bien sûr Front 242. Ça ressurgit dans l'énergie des The Prodigy. Ça a l'allure du black metal et la production est vraiment efficace. Cet album, The Void, je vous le recommande chaudement. Il est disponible uniquement sur Bandcamp. Je ne sais pas si cela a un rapport, mais le Nexium était cette secte américaine qui soumettait notamment à la manipulation mentale, dirigée vers les abus sexuels de majeurs. Son gourou, Keith Reiner, a été notamment condamné à 120 ans de prison en 2020 pour ces faits. La deuxième sélection d'il y a deux lundis, c'était la compilation Document Free du label que j'aime beaucoup, Alliance Productions. C'est donc la dernière compilation en date de ce label slovaque. Elle est sortie le 26 décembre 2025. Elle réunit une large sélection d'artistes internationaux de la scène dark electronics, industrielle et expérimentale. Elle dure plus de 2h25, offre des atmosphères mystérieuses, des sons organiques, des séquences bruitistes avec des groupes comme Triode, Fractal, Human Vault, Dead Jump, Gapping Chasm, Synaptic Defeat, Morbid Fancy, Head Dreamer, Mortal Constraint, Disharmony, etc., etc. Et pour ce soir, je vais vous passer mes petits chouchous, ces statements avec le morceau Compulsion. C'est la version 2025. Statement, c'est un projet solo dirigé par Michael Soska, qui est officier de 95 à 97 et reprend le service en 2025. Il a bien raison. Et on terminera par une nouveauté de chez Scanner, une nouveauté bien EBM, comme je les aime. C'est le dernier EP de Mantisae, là. Hello, this is Aaron Zerom from Nexium Atra. You're listening to Sampler and Sensor Bloches on Galaxy Radio. Grip. J'espère que comme moi vous vous habituez à ce générique dédié au speak. Ce générique a été fait créé entièrement par Pierre Degarde alias PPK, que j'embrasse une nouvelle fois. Petit retour sur cette séquence qui a démarré avec le groupe roumain Nexium Atra. Le morceau était Whispers of the Abyss, extrait de l'album The Void, et c'est sorti en autoproduction. Juste après Statement et le morceau Compulsion, c'est la version 2025, tiré de la compilation digitale Document Free. C'est apparu chez Aliens Production. C'était nos deux sélections de la semaine il y a 15 jours. Puis pour finir cette séquence, une tuerie. C'est le dernier EP en date du groupe Menticide et il est sorti le 16 janvier. Vous connaissez ce projet puisqu'il est originaire de Suède. Il est actif depuis le milieu des années 2000. Il est composé de Christian Rimslak, qui a bossé notamment pour Cap et qui bosse encore pour Poupée Fabrique. Et le chanteur n'est autre que Johan Dam. C'est un véritable ours qui sort de sa caverne pour chanter comme un viking. C'est pris le pied dans un piège à ours. Johan Dam, je le rappelle, c'est le tout premier chanteur de Dupont. Et à cette époque-là, ce groupe Dupont avait une autre classe. Ce EP donc s'appelle Der Meister. On s'est écouté le Slovenia Edit. Il inclut 5 titres, dont différentes versions de Der Meister. Il y a aussi une reprise de Ricky's Hand, incluant une collaboration avec Robert Anforsen de Elegant Machinery. Ça marque donc le retour de Menticide après une longue période d'absence. Et c'est paru chez Scanner Dark Dimension. On poursuit avec ce label, et c'est presque une nouveauté, puisqu'il s'agit de la réédition de deux EP sortis en 2024 sur Donjon Productions. Ce sont les deux EP de Gamma Vortex. C'est aussi un projet suédois, c'est le projet de Martin Rudefelt. C'est un ex-membre du groupe Cryo qui a quitté le groupe en 2025. Sa musique est puissamment EBM, avec une qualité suédoise irréprochable. Et je suis content que le label réédite ses productions que je ne connaissais pas du tout. Là, on s'intéresse au premier EP, Undertaker, avec le morceau Staring at the Wall. Durant les prochaines semaines, je vous passerai le second EP, qui s'appelle Hate Feeder, qui est vraiment une tuerie totale. On continuera avec une sortie de chez Oraculo Records, et on terminera avec un projet lillois, à moitié lillois, à moitié de Bruges, sera Batterie 73. C'est parti, Gamma Vortex, Staring at the Wall. hier bei Bilal und war so das andere Geschäft. Da habe ich eben gesagt, Markauf und so kam ich auch auf. Ja, ich kaufe Markauf bei dir, bei Bilal und Markauf und so kam ich auch auf. Ja. Juste à l'instant, Batterie 73 avec Brain Drain, c'est un single. Et franchement, j'ai eu de la chance que Jeff m'envoie une flopée de singles que Batterie 73 a sorti ou va sortir. Je vous ai passé il y a deux semaines le morceau qui est aussi présent sur la compilation de la, du label, hein, de l'assaut Russian Dark Community. Pour ce soir, je vous passe donc ce morceau que j'apprécie vraiment énormément. Il nous fait rentrer dans un monde très sombre et pourtant c'est assez rythmé et entraînant. Bravo à Jeff et Angelo pour les atmosphères spécialement dark et directement orientées EBM. Juste avant, Absent Corpse avec le morceau Vassy Smith d'un computer, extrait du EP qui s'appelle Life Elsewhere. C'est une sortie de chez Oraculo Records. Absent Corpse, c'est l'alias du producteur catalan Oriol Cebrian. Il est actif dans les scènes électroniques underground d'Espagne. Son EP, donc Life Elsewhere, est sorti en édition limitée, 300 exemplaires en vinyle bleu turquoise de 180 grammes. En fait, il s'agit d'un projet qui rend hommage à notre tradition clubbing des scènes électroniques de la fin des années 80 et début des années 90 en Espagne, notamment les scènes de Valence et de Gérone. Musicalement, il fusionne plusieurs styles, hein, comme la new beat, le BM dansant, la trance breakée et la techno machine brutale. En tout premier, Gamma Vortex, le morceau Staring at the Wall, extrait du EP Undertaker, et ça sort chez Scanner Dark Dimension. On reparlera de Gamma Vortex plus ou moins rapidement, puisque j'ai un deuxième EP qui est une tuerie totale à vous présenter. Sans transition, presque, on reçoit notre premier invité. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. T'as presque la clé du studio maintenant, Michel. Comment ça va? Bonsoir Walter, merci pour l'invitation. Ah ouais, ça va, plaisir, ça va bien. Plaisir, tu le sais bien. Donc tu as encore fait toute cette route pour nous voir et franchement c'est très touchant. Toujours un plaisir. Ouais. Toujours un plaisir. Parce que tu viens de loin quand même. Près de ouais, Liège. On peut le dire, même plus loin que Liège. Donc quasiment la frontière hollandaise. Oh là, furieux. Ouais. 2h30 de route. Et on en profite pour passer ta dernière création, recréation, on va dire. Réinterprétation. Oui, ouais, on va dire ça comme ça. Tu nous le présentes ? Ben, c'est le dernier titre de Daguest que j'ai retravaillé tout seul comme un grand, sans même les prévenir, et que j'ai pris plaisir à faire parce que ben voilà quoi, j'avais entendu le titre. David me l'a fait écouter il y a déjà longtemps en fait, et j'avais beaucoup apprécié. Déjà, j'aimais beaucoup le titre. Mais ce que j'aimais beaucoup, que je lui avais fait remarquer, c'était les cordes. Mm-hmm. C'était la première fois qu'il y avait des cordes sur un morceau de Daguest. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Et donc, j'ai un peu accentué les cordes, j'ai un peu accentué la partie batterie, drums, on va dire. Et voilà, j'ai fait ce titre un peu dance, on va dire un peu taillé pour les pistes de danse. Mm-hmm. Comme ça, alors par plaisir. Ce morceau, on le rappelle, hein, c'est Lock and Lock Past. Ouais, il a Lock tout dernier morceau de The Guys. Ouais, tout à fait. Ils ont joué d'ailleurs durant le Black Lab 2 à Wascal, au Black Lab. Ouais, en avant-première. Ouais, on embrasse d'ailleurs hein, Fred et David. Bien sûr, David bien sûr. Fred, hein, peu importe l'ordre. C'est un morceau qui va, je pense, paraître sur leur prochain album. Alors, il n'y a pas de date de sortie encore. Non, aucune date. Donc toi, tu aimes bien réinterpréter, notamment tu aimes bien les extended, hein, c'est ta marque de fabrique. Il paraît. Alors là, chose surprenante, c'est que tu m'as envoyé trois versions. Parce que d'habitude, tu m'envoies qu'une version. Là, tu m'as envoyé une version longue, qu'on va passer d'ailleurs, une version plus courte. Une version plus courte, parce que je m'étais dit, tiens, je vais faire une version un peu plus courte pour la radio. Parce que 6 minutes... C'est un peu long des fois à radio. Donc. C'est pas du radio edit ça. Non. C'est pas du radio edit, non. C'est du dance edit, c'est du club edit. Voilà, donc j'ai fait une version un peu plus courte, mais au départ c'était de toute façon de travailler sur une version plus longue. C'était le but. Parce que toutes mes versions en général atteignent facilement les 6 minutes, voire plus. Ah, plus, je me souviens du C42. J'aime bien taquiner avec ça. Ça. 9 minutes, là. 9 minutes, là, c'était... Extended de chez Extended. Ouais, c'est un super Extended, quoi. Alors, je fais une petite parenthèse, mais j'ai vu tout à l'heure sur Facebook, là, que Greg Varum le passait aussi en même temps dans son émission. Tout à fait. Alors, je suis très content qu'on le passe le même soir. Peut-être en même temps, j'ai pas repris contact avec lui, Greg Varum. Voilà, vous avez la possibilité d'entendre cette Extended ici sur Galaxy Radio, hein, l'émission Sans Pleurer, Sans Proche. Ouais. Et si vous quittez brièvement, vraiment brièvement la fréquence 95-30 et que vous allez sur le 99-4 de Pastel FM, vous allez aussi pouvoir écouter le Dagueist Locked in Your Past. Alors c'est le JL Marshall Locked in My Extended Mix. Ouais, exactement. Et les prochains alors, tu t'attaques à quoi du coup? Ah ça, j'en ai encore un peu sous le coude, mais je peux rien dire pour le moment. Mais il va y avoir du lourd. On est entre nous, tu as vu tout à l'heure, il y a qu'une seule auditrice. Non, tu peux en parler. Il va y avoir du lourd. Non, mais là je travaille sur un extended pour un groupe belge qui va fêter ses 45 ans. Je ne peux pas en dire plus, mais à mon avis... On voit très bien qui c'est. Voilà, tu vois. C'est parfait. Ce serait bien qu'il en parler d'ailleurs. Ouais. Et puis, j'ai d'autres trucs en prépa, mais ce n'est pas encore très avancé, donc difficile d'en parler. Je verrai quand je... Il faut trouver du temps aussi. Je pars beaucoup, je suis souvent en voyage, donc il faut que je trouve du temps. Et puis je travaille quand même aussi. J'ai l'impression que tu poses des semaines de travail, toi. Pas de congé, tu es toujours à l'extérieur. Ouais, je suis beaucoup en vacances. Ouais. Et ça va encore être pire en mars, avril, mai. Donc voilà. Donc là, tu reviens de Vienne. Je reviens de Vienne et je repars à Vienne. Oui, parce qu'on peut en parler aussi, les Dagueist. Alors je me souviens plus de la date, j'ai pas la mémoire. Le 25 février. Il joue là-bas. Il joue à Vienne au Viper Room. D'accord. Qui est un club, discothèque et en même temps salle de concert où il y a pas mal de groupes qui viennent. Et là, ils vont jouer en première partie de Dasich. D'accord. Ce n'est quand même pas rien. Carrément. Donc, voilà. Tu vas y retourner du coup. Et donc, j'y retourne avec eux. Ouais, on est reparti là pour faire des petits fous. Et voilà. Je pense qu'on va bien s'amuser. Le limoncello va couler à flot, et les shooters, et d'autres choses dont on... Voilà, on l'alcool. Parler, hein, mais bon, l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je m'oubliais. Écoute, j'en profite pour te souhaiter directement une excellente année 2026, JL. Merci, également. Pleine de surprises, notamment musicales. Ouais, il y en aura. Tu sais que tu reviens quand tu veux, parce que manifestement, tu as le double des clés. Donc ok, je viens la semaine prochaine, dans 15 jours. Dans 15 jours, je suis là. Ça va, j'ai un nouveau mix. Tu sais que c'est avec plaisir, tu le sais. Allez, on s'intéresse à la reversion du morceau Locked in Your Past par Jean-Luc Marshall, hein, le JL Marshall Locked in My Extended Mix. C'est un superbe morceau des Dagueist qu'on envoie bien fort. C'est parti, Dagueist. Bisous. À l'instant, Dagaist, ça fait toujours plaisir de les diffuser ici sur l'antenne de Galaxy Radio. Avec le morceau Locked in Your Past. C'était le JL Marshall Lock in My Extended Mix. Merci JL pour ce bel exercice. De rien, hein, avec plaisir. Hein. Et puis, bah, j'attends toujours les pizzas séparées de Davidé. Hein. Il est en train de me les envoyer. Il est en train de me les envoyer. Non, donc, mais voilà. Private joke. Bon, on en parlait hors micro. Tu vas pas nous donner la potion de tes extended. Non, bah, y a pas vraiment de secret. C'est que, voilà quoi, je sépare les pistes comme tout le monde pour avoir les pistes séparées. Et puis après, bah, je mixe comme je le sens. Et puis il y a toujours le JL Touch derrière, quoi. Mais je saurais même pas donner une formule. Il y a pas de formule, quoi. C'est comme je le sens. Il faut que je sois inspiré par le morceau. Après, c'est parti, quoi. Bah, écoute, continue comme ça. Ben, on verra, merci. On va faire honneur à ton voisin maintenant. On va passer à l'interview de Deadly Sins. Alors je vais passer le petit liner qui va bien. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Deadly Sins. C'est bonjour, le projet solo qui fait vibrer la scène Dark Electro EBM Underground Belge. Bonjour Walter, bonjour JL, merci pour l'invitation, c'est cool. Salut Cyril. Alors, Deadly Sins, c'est des atmosphères sombres, des textures électroniques glaçantes. Ouais. Deadly Sins, c'est mené par Cyril, Sir B7, on va t'appeler comme ça. Ou ouais, Cyril, comme ça, tu veux. Non, bon, tu peux m'appeler Cyril, oui, il n'y a pas de souci. Ça va. Après, c'est vrai. Tu explores un univers où l'ombre et le rythme, la noirceur et l'analyse du monde moderne s'entrechoquent. Alors toi, on t'a connu avec ton premier projet, hein, Noir Eclipse. Oui, tout à fait, il y a quelques années, oui. Que personnellement, j'aimais beaucoup. On t'a connu aussi avec Wolf Zibon. Oui, tout à fait. Pour un album et quelques maxi, mais surtout de nombreux concerts. Hein, on embrasse d'ici Seb Wolf. Mais depuis un temps, tu te concentres sur ton premier album de Deadly Sins. Après la sortie du EP Red hein, et de plusieurs singles, cet album s'appelle Mad Mind of This World. Oui, tout à fait. Esprit fou de ce monde. Est-ce que tu parles de toi-même ou du Mad Mind des autres? En tout cas, tu nous fais l'honneur d'être présent dans les studios hein, pour nous parler de tout ça. Donc, bienvenue Cyril. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci. Et je vais te demander de te présenter en freelance, vas-y. Oui, vas-y, alors tu as quelques minutes, c'est comme une offre d'emploi, tu sais, tu peux y aller. Hein. Comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit. Donc, c'est vrai que tout a commencé avec Noir Eclipse il y a déjà quelques années, hein, je pense que voilà, on n'avait pas encore de cheveux gris à l'époque. Et tu as connu Noir Eclipse, qui était un projet plutôt dans l'ombre encore. Hein, je veux dire, il était vraiment resté très très casanier. Ça a impacté, je veux dire, un audimat quand même très très très très restreint dont tu faisais partie. Et c'est vrai que c'était un projet très intéressant à l'époque. C'est d'ailleurs ce projet qui a mené après vers Wolf Zibon, puisque Seb était un grand fan de Noir Eclipse aussi à l'époque. Nous étions... La petite anecdote de Wolf Zibon, c'est que Seb et moi, nous ne connaissions pas. Donc à la base, je veux dire, on s'est rencontrés dans un concert de Frontline Assembly qui avait lieu à Tournai. Et en discutant comme ça, après un pogo bien, bien mouvementé, on en est venu à parler de futurs projets. Et donc, on est arrivé à se dire, bah, tiens, on essaierait bien de partir vers Wolf Zibon. Donc voilà, et de Wolf Zibon qui a entraîné, comme tu dis, quand même pas mal de concerts. Et qui, voilà, j'en dis pas plus, on laissera la surprise. Ouais. Quoi que tu vas en dire un petit peu plus. Tu sais ce qu'on va faire, je constate qu'il y a un petit problème micro. On va changer les micros, les gars, parce que je pense que le tien est beaucoup plus efficace, JL, si ça ne te dérange pas. Ah, on est en direct, hein, ce sont les aléas radiophoniques du live. Merci. Voilà, on t'entend beaucoup mieux. On m'entend mieux. Merci, JL. Ah, d'accord. Attends, je remonte un peu le micro. Voilà. Je vais faire un petit récap. Hein. Ouais. Pourquoi tu as voulu changer de Noir Eclipse? Pourquoi tu as quitté ce groupe, entre guillemets? Quitter Noir Eclipse? Pas quitter, mais changer d'orientation. Je ne sais pas s'il y a eu un, une volonté réelle de quitter Noir Eclipse. Je pense que tout s'est fait naturellement. Je pense que voilà, Noir Eclipse était un projet qui était quand même très très très intéressant et auquel je me retrouvais vraiment dans ce projet. Après, c'est vrai que il y a toujours cette question de temps, de timing, et à un moment donné, on se dit voilà, on fait un choix parce que bon, voilà, comme tout le monde le sait, ça prend du temps. Ça prend du temps de composer, donc quand on veut mettre à un moment donné une priorité, il faut faire des choix en fait. Et donc c'est un projet qui, je veux dire, a disparu, mais qui n'est pas resté, je veux dire, quand même, je veux dire, dans les oubliettes, puisque Deadly Sins est quand même, je veux dire, la continuité de Noir Eclipse maintenant. Plus moderne, je veux dire, revisité, on va dire ça comme ça. Donc, il n'a jamais été vraiment oublié. Seulement, voilà, il y a eu à un moment donné des priorités à mettre. Et voilà, je veux dire. En hibernation, quoi, on va dire, en latence. Ouais, en latence. En fait, le projet de Deadly Sins, comme on en discutait, je veux dire, à part je veux dire du micro là, quand on était en studio, je veux dire il fallait en tout cas pour moi, je veux dire, retrouver à un moment donné ces sons que Wolfsbane ne donnait pas. En fait, ce qui est tout à fait logique, parce que voilà, Wolfsbane, nous sommes un groupe, et donc je veux dire, il faut forcément, je veux dire, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, je veux dire, retrouver chacun ses sons. Et donc moi, j'avais toujours, bon voilà, je pense que c'est un secret pour personne, en tout cas pour tous les gens qui nous côtoient de manière quotidienne. Voilà, je veux dire, Seb est plus dans une scène qui était nettement plus EBM. Moi, je n'ai jamais, je veux dire, je n'ai jamais caché mon goût, je veux dire, très, enfin, ma scène d'arc électro, c'est vraiment, je veux dire, ma racine. Et je pense que Wolfsbane était vraiment et vraiment encore cette base, je veux dire, d'arc électro EBM, qui fait que on a un son assez particulier. Mais Deadly Sins, j'avais besoin en tout cas moi-même de me retrouver dans mes racines d'arc électro et de me permettre de jouer d'autres sons que je n'utilisais pas en studio avec Wolfsbane. Donc je suis rassuré, hein, Wolfsbane existe encore, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je voudrais connaître la vraie signification de Deadly Sins. C'est inspiré du film. Ou ouais. Bien, c'est plus mystique. Alors, c'est plus mystique que ça, et je veux dire, c'est même beaucoup plus personnel que ça. Je veux dire que même déjà, je veux dire, pourquoi c'est 7. Déjà, simplement, pourquoi c'est 7. On pourrait dire, je pense que 7, bon, Cyril, voilà, c'est, il n'y a pas de secret, c'est Cyril, hein, je veux dire, pourquoi le 7, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, je veux dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, bon, bêtement, je suis né le 7, donc voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Voilà, ensuite, je veux dire, j'ai une personne qui compte très très très très très fort pour moi, qui m'a toujours dit, je veux dire, tu es autant diable que ange, donc je veux dire, voilà, on s'est retrouvé un petit peu dans ce concept des 7 péchés, voilà, un peu mystique comme ça, et donc c'est resté un petit peu, voilà, pourquoi c'est 7, bah, le 7, je pense qu'il est, à un moment donné, je pense que j'étais encore adolescent à l'époque, j'avais déjà aussi un surnom qui s'appelait Seth, mais c'était Seth, c'était le Seth grec en fait, c'était le Seth, c'était pas Seth, je veux dire, mes amis m'appelaient Seth, mais sous un autre truc, donc voilà, c'est resté Seth. Ensuite, pourquoi Deadly Sins, je veux dire, bah, c'est la continuité un petit peu de tout ça, c'est toujours que j'ai toujours apprécié ce mysticisme qui était apporté au Seth et puis à tout ce qui allait autour, et donc le projet, je veux dire, a été un petit peu identifié de sa base par le pseudonyme, mais en plus par cette volonté de rendre ce projet un peu mystique, très immersif en fait. Je veux dire, c'est la volonté, c'est la volonté finale en tout cas, si elle n'est pas encore là aujourd'hui, je veux dire, c'est la volonté finale, c'est de se dire je voudrais avec ma compagne de l'ombre, puisqu'on l'appelle la compagne de l'ombre, hein, on dira ça, il va y avoir ce côté mystique, et je pense que voilà, le Dildy Sins, c'est parti de là, quoi. Alors, moi, ce que j'aime bien chez toi et qui transpire de ton activité sur les réseaux sociaux, c'est que tu places ta famille au milieu de tout. Ça, je trouve que c'est une sacrée qualité, vraiment. Et tu l'invites aussi à plonger dans ton univers musical, hein. Donc, on peut en parler un petit tout peu. Tout à fait, oui. De l'implication de ta compagne, hein, qu'on salue bien bas ici ce soir. Oui. On peut parler dans son application dans le process de création de Dildy Sins. Oui, tout à fait. Parce que je veux dire que Dildy Sins, bah, tu viens de le dire, hein, je veux dire, j'implique le côté très familial, parce que Dildy Sins se veut aussi être un projet, comme je le disais, très immersif, où chacun, je veux dire, par l'écoute des textes, se retrouve un peu dans ce contexte à un moment donné. Je veux dire, il n'y a pas de sujet tabou dans Dildy Sins. C'est le projet de la vie de chacun, avec ses rires, avec ses joies, avec ses peines, avec ses pleurs. Et je pense qu'il est très, très, très, très important, en tout cas pour Dildy Sins, d'avoir en face de soi ce public qui ressent qu'il n'y a pas de barrière, parce que ce qui est chanté, ce qui est interprété, c'est la vie de tout le monde, c'est ce que nous vivons continuellement tous les jours, familialement, politiquement, économiquement, nous sommes tous unis, je veux dire, dans ce sillon de vie, et donc il n'y a pas pour moi de raison de mettre de frontières. Alors maintenant, la petite parenthèse par rapport à cette femme de l'ombre, puisque voilà, c'est comme ça, je veux dire, que qu'on l'appelle de tout temps. C'est parce que la femme de l'ombre est très très très très, très importante, mais elle était déjà à Wolfsbane. Dire sans femme de l'ombre, il n'y a pas Wolfsbane. Ça transpirait moins, mais c'est cette femme qui a créé, comme on en parlait, qui a créé en quelque sorte Wolfsbane. Je veux dire, l'image de Wolfsbane, ce logo, toujours en restant dans l'ombre. Maintenant, dans Dildy Sins, voilà, je dois être tout à fait honnête, en tout cas pour l'heure d'aujourd'hui, que les textes de Mad Mind, donc de l'album qui vient de sortir, sont tous écrits par cette femme de l'ombre, puisque cette femme de l'ombre est, entre guillemets, je veux dire, ma muse, on va appeler ça comme ça, et donc est le reflet de mon ressenti. Donc c'est assez comique de... Si vous le verriez au quotidien, en fait, j'arrive avec mes humeurs, avec mes idées, avec mon ressenti de ma journée, et ma femme de l'ombre me sort un texte. Elle me dit, voilà, regarde ce que tu es, regarde ce que tu m'as fait ressentir, qu'est-ce que tu en penses? Et en général, dire, ça match à tous les coups, puisque je pense qu'il n'y a pas mieux que cette femme de l'ombre pour me connaître. Donc ça match à tous les coups, et je pense que c'est très important. Et de Broken, je prends l'exemple de Broken qui est dans l'album, ce titre a une signification qui est, nettement plus qu'un titre, puisque c'est un autoportrait de moi-même qui peut forcément, être un petit peu l'image que toute personne peut se dire à un moment donné, voilà, oui, bah moi aussi je suis ça, mais c'est vraiment partie de ça. Broken, c'est moi, en fait, je veux dire, et l'image de ce Broken, c'est cette femme de l'ombre qui me l'a construite, qui me l'a dessinée, ouais. et donc voilà, donc ça prouve une fois de plus que derrière chaque grand homme il y a une femme qui exactement tout à fait. Alors, avant de sortir Mad Mind of this of the World, ouais, c'est dur à dire. Mad, ouais, Mind of the World. Yes. Of the world. Tu avais sorti plusieurs singles, hein, Bunker, Tindalus Hands, ouais. Into the Dark Room, The Beginning. Là, tu sors un album, ça reste quand même un exercice difficile. Comment tu l'as vécu, ça? En fait, j'ai construit cet album vraiment, je veux dire, de manière naturelle. Je veux dire, ça a vraiment été, la musique a été composée, je veux dire, de manière très naturelle. C'était très. Voilà, je veux dire, il n'y avait pas de. À un moment donné, il n'y a rien qui a coincé. C'était comme si c'était tout à fait naturel. Donc, je l'ai construit. Il a quand même fallu quelques temps pour le construire. Forcément, il est sorti il y a peu, mais il y a quand même quelques temps qu'il est en construction. Mais il a fallu, en fait, le challenge de cet album, c'est de te dire, cet album doit être mon identité, doit être l'image que je veux véhiculer de Deadly Sins. Et s'il n'était pas mon identité, s'il n'était pas cette image, je ne pense pas que je l'aurais publié plus que ça. J'aime ce perfectionnisme dans la composition. Et c'est vrai qu'on peut y trouver plusieurs styles. Hein, je veux dire dans l'album. Enfin, je veux dire tu as eu l'occasion de l'avoir. Tu peux avoir des morceaux très symphoniques, comme des morceaux qui ont tendance, comme Animals, que tu as passé tout à l'heure, qui sont un petit peu plus électro, plus agressif, on va dire. Cet album, voilà, c'est de l'humeur véhiculée, c'est une construction de moi-même. Ouais, JL a mis le doigt dessus, hein, tout à l'heure. Ouais. Tu parlais d'ambiance cinématographique. Cinématographique, atmosphérique, ouais. C'est comme ça que je finirai un peu l'album. Ouais. J'aime beaucoup. C'est sûr. Vraiment beaucoup. Et je vous invite vraiment à découvrir cet album, à l'écouter, à l'acheter. Et à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais. Très bien. Ah, on en parlera juste après. Alors toi, tu parles de bien-être mental ou plutôt de mal-être. C'est inquiétant parce que tu dis que cet album te concerne. Je ne parle pas de. Enfin, c'est pas une question de bien-être ou de mal-être. C'est une question de. En fait, c'est plus une charge émotionnelle, en fait, je pense. C'est cette charge émotionnelle que tout à chacun, nous vivons tous les jours, hein, à un moment donné, par rapport aux événements, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Que nous vivons, que nous voyons, que nous entendons. Je veux dire, c'est pas une question de dire voilà, je suis dans un état d'esprit macabre ou quoi que ce soit, ou alors je suis bien, donc aujourd'hui on me fait un morceau fun. Non, je pense que chaque morceau est écrit, est composé, est interprété. Bon, j'ai parlé de sur scène, c'est vrai que je tiens vraiment beaucoup à ce côté très immersif. Pour que chaque personne, à un moment donné, qui l'écoute, puisse à un moment de dire, bêtement, ah ben merde, moi j'ai vécu aussi ça. Et comment je l'ai vécu, et si c'était à refaire, ou comment je peux véhiculer mon expérience, ou voilà, je veux dire, ça va plus loin qu'une simple musique. Vraiment, il y a ce côté, je veux dire, relationnel, parce que tu disais, vraiment, je n'hésite pas, voilà, comme tu dis, à mettre ma famille au milieu, parce que je ne veux pas de barrière. Et je veux vraiment, je veux dire, qu'on n'écoute pas un titre juste pour écouter un titre en disant, bah ouais, voilà, je veux dire, je tiens beaucoup à ce que chacun d'entre nous puisse, enfin, en tout cas, celui qui écoute et qui aime, puisse se retrouver dans un morceau et se dire, bah, ça, c'est mon vécu. Ou ça, c'est ce que, voilà, je veux dire. Alors, on va inviter les auditrices et auditeurs à procéder à une écoute attentive, pas une écoute qu'on consomme là, vite fait dans la voiture, dans les embouteillages. Ton album vient de sortir sur Bandcamp, il est sorti mercredi. Oui, tout à fait, oui. Donc, tout à fait. Distribution uniquement Bandcamp, il est sorti en physique. Alors, il y a une distribution Bandcamp, oui, aussi bien, je veux dire, en physique que digital, forcément. Après, je veux dire, il y a possibilité aussi de commander directement pour celui qui le désire via le site officiel qui est noté sur la page Facebook, de manière à passer à côté de ce Bandcamp. Hein, je veux dire, il est possible aussi d'acquérir cet album même en me contactant simplement. Je veux dire, voilà, c'est très très simple. Hein, je veux dire, Bandcamp forcément est une plateforme idéale parce que c'est une plateforme. Je veux dire. Voilà. C'est équitable, je trouve, d'ailleurs. Peut-être pas équitable, mais au moins, c'est une proposition honnête d'artiste. Oui, tout à fait. Et puis, il y a cette possibilité d'écoute avant achat. Je veux dire, c'est quelque chose. Bon, après, voilà, rien n'est toujours parfait. Hein, je veux dire. Mais à l'heure actuelle, c'est pas trop mal. À l'heure actuelle, je veux dire, pour des petits artistes indépendants comme nous, je veux dire, c'est ça marche très très bien, même. Mais bon, après, les personnes qui ne veulent pas passer par Bandcamp et qui voudraient vraiment, je veux dire, acquérir l'album, je veux dire, un message en privé sur les réseaux sociaux ou alors sur le site officiel, il y a des contacts, il y a la possibilité même de commander directement, je veux dire, avec un lien directement vers la plateforme. Voilà, c'est quand même relativement simple. Tu as cherché à le sortir sur un label ou pas du tout? Alors, j'ai pas eu le temps de regarder encore à ça. Et paradoxalement, je suis assez timide pour tout ça. Je veux dire, donc, je n'ai pas. Donc, voilà, j'ai toujours ce. Je me livre, hein, Walter. Je pars de ce principe où. Pourquoi est-ce qu'on voudrait de moi dans un label, voilà. Donc maintenant c'est vrai que je me suis pas énormément penché sur le truc. Disons que j'attendais vraiment, je veux dire, d'avoir un feedback, je veux dire par rapport à l'écoute de personnes, je veux dire, voilà, qui sont dans mon entourage ou pas. Je veux dire. Et c'est vrai que étonnamment, je veux dire, j'ai plus que je ne l'espérais. J'ai vraiment des feedbacks qui sont vraiment très très très positifs et puis très très intéressants et qui viennent, je veux dire, même hors frontières, je veux dire Pologne, Allemagne, je veux dire. Et je suis vraiment très heureux, vraiment très très très heureux. Ça, c'est vraiment intéressant à entendre puisque je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une vraie jungle hein, de s'en sortir sur les réseaux de communication. De matcher avec des gens, c'est une prouesse, je trouve, à l'heure actuelle. Je sais pas comment tu ressens ça, toi, en tant que groupe. Ah, moi, je trouve ça. Comment. On vit dans un tourbillon, hein, je veux dire, c'est un. On vit dans un immense vortex. Hein, ouais. On vit dans un immense vortex, et puis, comme je le disais encore tout à l'heure, en parlant avec ma femme de l'ombre, comme je dis, c'est que voilà, je veux dire, la chance que l'on a, la chance d'être ce soir chez toi, ne nous plaignons pas d'aisance. Je veux dire, c'est un privilège à l'heure actuelle de pouvoir faire de la. Donc ça va quoi. C'est carte en plein. Quoi. C'est voilà, mais je veux dire, c'est un privilège, je veux dire, de pouvoir faire de la radio. De pouvoir avoir des feedbacks qui viennent, je veux dire, d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne, du Portugal, je veux dire, et c'est vraiment bien, et je suis vraiment très très très très heureux et très reconnaissant de ça. Quoi. Alors sur ton album Mind of This World, ça y est, j'ai bien dit, tu as tes compos perso, mais tu te fais remixer aussi par Cause Nation, alors Getner, je ne sais pas comment. Getner, oui. Et je ne connais absolument pas, mais il y a mes chouchous aussi, Nero Gris. Oui, en fait oui, Nero Gris, Kay et Tino sont vraiment, je veux dire, avec le temps, devenus vraiment des amis, hein, je veux dire, comme Vane de Cause Nation, je veux dire, ce sont des personnes. Voilà, on a passé ce cap de simplement voilà bonjour au revoir, je veux dire, c'est des gens avec qui j'étais encore en communication par message avec Tino encore pas plus tard qu'hier, où on communiquait entre nous par rapport à certaines choses, donc je trouvais très important et je trouve très important aussi, je veux dire, d'impliquer des artistes dans la musique, enfin dans ma. Personnellement, voilà, si je prends que Diddy Sins, mais on le fait aussi avec Louis Eben, je trouve très important d'impliquer des artistes, parce que je veux dire, c'est une autre manière de voir sa composition évoluer d'une manière où nous-mêmes nous ne l'aurions pas pensé. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Je veux dire, quand pour l'album, je veux dire, j'ai contacté Vane, j'ai contacté Getner, j'ai contacté Tommy de Diverge, ou alors Tino et Kai. Je veux dire, je leur ai dit, voilà, je vous propose. Je leur avais proposé un choix. Je veux dire, il y avait deux titres. Je dis voilà, ce qui est important pour moi, c'est prenez le titre où vous vous sentez le mieux dedans. Et je ne veux surtout pas que vous fassiez du Diddly Sins. Je veux que vous gardiez votre identité, comme je l'avais fait, je veux dire, à l'époque de la sortie de Red avec avec Ben de Weedful, je veux dire avec Arndt de Pyroline, je veux dire c'est vraiment, je veux dire c'est vraiment très important, et à chaque fois je veux dire je suis un petit peu comme un gamin qui reste avec la bouche ouverte, parce que je me dis, en parlant vulgairement, je me dis, bah merde, moi je n'y aurais pas pensé, je ne l'aurais pas fait. Bah, ils ont fait le job, hein, parce que Nero Gris a bien retravaillé le morceau. Tout à fait. Jettner aussi a bien, quasiment tout est modifié, quoi. Tout à fait. Ils ont vraiment fait un boulot incroyable par rapport à ces remixes, avec chacun leur propre identité, et c'est ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, quoi. C'est de dire Ghost, de la manière dont il était fait par Nero Gris, comme il l'a été fait par Cause Nation, c'est le jour et la nuit, c'est deux morceaux totalement différents. Ça, c'est vrai, oui. Effectivement. Donc, alors, je me suis excusé tout à l'heure dans le studio. Tu es passé sur l'île le 14 novembre et mea culpa, je ne suis pas. Pas de soucis, t'inquiète, c'est normal. Et pourquoi ? Parce que je vis aussi comme toi dans le maelstrom des informations, notamment Facebook. Hein. J'y vais comme tout le monde, mais finalement pas assez, puisque j'ai raté ta date sur l'île. Franchement, je m'en veux. J'espère que tu repasseras. Mais j'espère aussi. J'espère. Tu as des dates de prévu ? Enfin, vous avez des dates de prévu ? Alors, les dates de prévu, disons que je vais rentrer un petit peu dans la même discussion qu'avec les labels. C'est que, voilà, je ne suis pas assez, pour moi, peut-être entreprenant par rapport à ça. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je n'ose pas tout simplement peut-être de me dire voilà je vais peut-être aller contacter ci ou contacter là. J'ai une date de prévue, oui, au mois d'août, je veux dire au festival Luna Obscura qui se trouvera à Ostende. Donc là je suis vraiment vraiment très très très très content, parce que c'est vraiment un festival où j'étais déjà allé moi-même dans le public l'année passée, c'était vraiment génial, et je profite pour faire un petit coucou, je veux dire, à tous ces organisateurs de la Luna Obscura avec qui je m'entends très bien. Après, voilà, il y a d'autres dates aussi en pourparler. Maintenant, voilà, je ne peux rien dire pour le moment. Allez, oui, c'est quasiment une de mes dernières questions. Je vois que tu achètes encore beaucoup de CD de vinyle. Pour toi, c'est important, l'objet, ou tu arrives aussi à écouter en streaming, par exemple ? Je fais les deux. Et l'objet est très, très, très, très important, parce que, bon, voilà, c'est vraiment ce qui voilà, c'est la marque dans le temps, je veux dire, ça reste streaming, voilà, on l'écoute, ça passe. L'objet, c'est vraiment, et c'est un héritage, en plus, je pense que pour nos futures générations, voilà, c'est un héritage que j'aimerais laisser. Après, bon, il en deviendra ce qu'il en reviendra, mais c'est très important, et puis je trouve que l'objet, je veux dire, ça fait partie aussi de cette identité de l'artiste, et c'est quelque part un peu le respecter pour lui dire voilà. Moi j'ai toujours comparé, je veux dire, j'ai toujours associé la musique proprement dit à l'art, par rapport à l'art matériel, en fait. Et j'ai du mal à dissocier les deux. Et c'est vrai que je trouve très important, mis à part la musique, de retrouver devant moi, je veux dire, des supports qui soient travaillés graphiquement, qui soient travaillés. Moi je suis un grand fan de Fixate. J'ai acheté l'édition limitée du. Oui, j'adore. Même sur scène, je veux dire, je suis comme un gamin quand je vois Martin, hein, parce que voilà, je veux dire, c'est quelque chose que j'adore, et que honnêtement. Voilà, c'est très... Et puis moi, tu vois, en tant que client de musique, l'objet, c'est une autre compression aussi, puisque le son est véritable sur un CD ou un vinyle. Oui, tout à fait. Et quand on l'écoute sur ses enceintes, ça n'a rien à voir avec le streaming qui compresse plus que de raison. Tout à fait. Enfin bref, Écoute, merci pour tout ça, Cyril. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli, et puis merci aussi surtout à toutes les personnes qui me suivent, et puis ben voilà, toutes ces personnes, je veux dire, qui sont quand même autour de moi et qui ont fait que des dessins existent. Hein. Bon, je reviens forcément sur ma femme de l'ombre, hein, qui est là et qui construit énormément de choses, mais à côté de ça, je veux dire, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, c'est d'avoir depuis le début du projet d'Idle Sins, il a été là, et je sais que je peux compter sur lui. Je veux dire, s'il n'y avait pas Arndt, qui était là, de Pyroline, qui était là pour faire le son, entre guillemets, puisque c'est Arndt qui fait le mastering de tous les supports d'Idle Sins. Voilà, je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, une pièce centrale aussi du travail. Je veux dire, si, parce que bon, il est c'est quelqu'un de très professionnel, de très sympathique. C'est quelqu'un qui vraiment, je veux dire, n'hésite pas à être de bons conseils, et qui n'hésite pas non plus à dire, voilà, écoute, là, à un moment donné, t'as merdé, revois un petit peu ton truc. Je veux dire, donc c'est donc un grand merci à lui aussi, parce que c'est vrai que Sans lui, je pense que voilà, Idle Sins ne serait peut-être pas là maintenant. Écoute, un des hommes de l'ombre. Écoute, on va illustrer tout ça, puisque j'ai envie de passer Expatriate. Ah oui, Expatriate. Ouais. Alors c'est un morceau. Expatriate, c'est un morceau qui comme le morceau Crash. Qui n'est pas, je veux dire, qui sont arrivés en dernier, en fait, hein, et Expatriate, tu viens de le dire. Je vais être tout à fait transparent avec toi, c'est un de mes morceaux préférés. Ah, ça va. On entend ta femme de l'ombre. On entend ma femme de l'ombre, oui, tout à fait. Raison pour laquelle je vais le passer aussi. C'est un morceau que j'aime beaucoup aussi. Merci, merci beaucoup. Différentes atmosphères. Donc, on récapitule Deadly Sins. La sortie imminente, enfin la sortie toute récente, de l'album Mad Mind of This World, sorti sur Bandcamp. J'ai eu le CD tout à l'heure, franchement je te remercie aussi. Merci beaucoup. C'est un bel objet, donc c'est parfait comme ça. On passe tout de suite le morceau Expatriate de Deadly Sins, c'est parti. We'll be right back. Deadly Sins avec le morceau Expatriate. Merci, merci Walt. De l'album Mad Mind of This World. Excellent. Merci Cyril. Merci à vous. Merci beaucoup. D'avoir fait tout ce chemin pour venir dans les studios de Galaxy et de Sample Race. En tout cas, merci pour l'accueil. C'était vraiment génial. Tu reviens. Bah, c'est pas fini parce que la troisième mi-temps, elle arrive. Souvent, c'est plus dur. En plus, t'as un mec costaud là à côté de toi. Il y a du level, là, je te le dis. En tout cas, merci. Merci, merci, pour, merci beaucoup pour le dernier album de Deadly Sins. Ben, merci à toi, hein, encore une fois, pour l'invitation. Même si c'est, je ne me suis pas imposé. Aucunement, aucunement, ne t'inquiète pas. Et encore une fois, écoutez cet album de Deadly Sins, c'est vraiment, c'est de la tuerie. Ouais. Merci, merci, merci Gilles, c'est vraiment sympa, merci. Et allez les voir en live, s'il y a un live. Vous serez tenu au courant. Ah oui, il faut enfin, tenir au courant. Oui, oui, mais non, mais il y en aura, je suis sûr, c'est vraiment. Et s'il y a des orgas qui nous écoutent, pensez à les faire venir, parce que c'est vraiment bien. Voilà. Écoute, je vais passer un rapide agenda. Ce samedi, il y a une date qui me fait hérisser les poils. Ça s'appelle Europalia, les ateliers de Klaus, ça se passe à Bruxelles. Il y aura Dame Arias, je ne sais pas si vous connaissez les gars, c'est un groupe espagnol qui dépote, mais à mort, en live surtout. Et je suis fan hardcore de Esplendor Geometrico. Ah oui. Qui joueront donc aux ateliers de Klaus ce samedi. Et aussi le groupe Clara que je ne connais absolument pas. Malheureusement, cette date est sold out, pour la petite info. Hein. J'ai eu le dernier ticket, c'est la vérité. J'ai même pas eu de ticket pour ma femme de l'ombre. Donc j'irai tout seul. Et voilà, un divorce. En live. Oui, il y a de quoi, parce qu'elle adore Splendor aussi. Mais en tout cas, je remercie Juliette d'avoir déniché cette date. Juliette Berlin. Ici, dans les environs de Lille, le 6 février, il y a Youth Code, King Youssef et Strict Sex. Ce sera la Bulle Café, c'est la maison folie hein, de Lille Moulin. Le prix d'entrée de 20 ou 25 euros sur place. C'est une organisation Cerbère Corifée qui fait le buzz quand même en ce moment sur l'île. Le 6 mars, les Bananes Hanover et Paul au Black Lab. C'est une organisation persona grata. Et le 7 février, on en parlait presque tout à l'heure, hein. Il y aura Parade Grande et hors clos, je ne sais pas trop, à Lille, à Paris, au QG Oberkampf. Et en plus, en DJ, il y a nos collègues de DJ Tormentor Radio Show, que je suis sur YouTube d'ailleurs, qui font des superbes émissions, des superbes interviews, très très techniques. C'est très le 7, bon. Hein, c'est ça. Hein. 7 février, ouais, ouais, tout à fait. Ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour cet agenda. Malheureusement, je travaille. Ah. Tu auras les occasions de les revoir, puisqu'ils ils passent à Bruxelles, je pense, pour leur 45 balais. Ils passent au Canal 10 aussi. J'ai déjà ma place. À autre âge, tout à fait. Ok. Écoute, on va terminer tranquillement l'émission. Et le 25 février, Daguez, à Vienne. C'est pas loin. C'est pas loin, non. Voilà. Et vous êtes passé par Vienne. Quelques séries dans la voiture et tu y es, quoi. Ouais, un petit voyage. C'est allez. Quoi C'est 1200 km, ça y est du tout, quoi. Allez. Bon, JL a déjà changé 3 fois de bagnole là, depuis 2 ans, donc. Voilà, là je l'ai. Je crois que mon bilan carbone il est explosé. Écoute, je termine l'émission avec des Danois qui s'appellent Mind Machine. Oh, je les connais, ils sont géniaux. Je connais Mind Machine. Ouais. Tu dis ça, c'est non, la vérité ou pas? Je les connais vraiment. D'accord. Mind Machine. Ouais. C'est des Danois. Hein. Oui, tout à fait. Ah, ouais, je les connais. Ils sortent un morceau Voice of Freedom, Freedom is Chaotic, sur une nouvelle compilation qui s'appelle New World Disorder, Collateral Damage, c'est le second volet, ça sort chez les Danois de Tiny Tortorus. Et pour rejoindre les propos du Popman, hein, qui anime chaque semaine son podcast Electromatisme, Electro AU et pas O, franchement je l'écoute sans en rater une et je le salue. Malheureusement, je constate que en ce moment il est dans une période un petit peu compliquée au niveau musical. Aussi, je lui envoie toutes mes bonnes ondes pour qu'il retrouve un vrai plaisir en écoutant ses groupes préférés. En tout cas, je le salue bien bas. Tout comme ses collègues, hein, je vais juste faire une petite parenthèse pour parler de mes écoutes hebdomadaires. Je ne rate aucun podcast d'un autre collègue qui s'appelle Oldaric Antagot, qui bosse dans le Jura hein, sur Village FM et qui propose chaque semaine, chaque samedi soir d'ailleurs, c'est Cyberland. Très bien. Très très bien, oui. Ouais. un autre podcast sans fioritures, brut de décoffrage. Et ça, j'adore aussi. Ce sont les extérieurs mix envoyés chaque semaine sur YouTube par Vincent Prat. Ces sélections sont concentrées de musique underground, électro et industrielle. En tout cas, les, mes chers collègues radiophoniques, je vous passe bien le bonjour et vous souhaite une excellente année 2026. Je vais revenir à mes moutons. On va parler du deuxième volet de la compilation New World Disorder, qui présente bien sûr les groupes du label Tiny Torturous. Cette compilation est d'une apparence revendicative avec un esprit militariste, mais ne vous fiez pas aux apparences. Cela n'a rien à voir avec l'extrême droite ou je ne sais pas quoi. Ce sont juste des artistes qui crient haut et fort leur dégoût de la politique globale. Et franchement, ils ont du taf. Là, ça sera le morceau, donc, Voice of Freedom. On continuera avec un groupe suédois, Emon. Et le morceau Relics de l'album Icon. Emon, c'est composé en fait de Emma Nilen, qui chante, et de Jimmy Monell, qui est au clavier. C'est un tandem qui mêle une musique basée sur le BM avec un côté charts et dancefloor, qui passe facilement, car c'est vraiment pas si rupeux du tout. C'est de la pure qualité suédoise aussi. Et on terminera par un français, Cocorico, il s'appelle Pascal Imbert. Son groupe, c'est Subverge. Il vient de sortir un album sur Aliens Productions, que je présente souvent dans l'émission Sans pleurer, sans reproche. Cet album s'appelle Select, on s'écoutera le morceau Nocturnal Haze. J'ai pas eu l'occasion de passer la séquence de Pierre Degarde, hein, ben, ça tombe bien, puisqu'il est... Il y aura l'occasion de venir dans les studios de Sans pleurer, sans reproche Galaxy pour présenter tout ça. Peut-être que vous aurez un morceau bonus, hein, on fait des missions, je pense d'ailleurs. Vous aurez l'occasion de consulter ce titre sur les playlists, hein, sur Facebook, sur plein de sites de streaming, hein, iTunes, Deezer, Amazon, etc., etc. En tout cas, merci de nous écouter tous les 15 jours. Écoutez Sans pleurer, sans reproche. Merci de... J'adore ces moments-là. Hein. Enfin, je vous le dis, je reviens pas souvent en studio. Mais j'aime bien les petits moments de tranquillité en interview avec des gens que j'apprécie particulièrement. Donc, vous revenez quand vous voulez. Merci, enfin, merci Walter. Du merci. Coup, Cyril, JL te filera un double de tes clés. Je vais aller chez le serrurier. Bon, merci les gars. C'était un plaisir. C'était un plaisir, merci. Merci aussi. Un petit coucou à toute la team d'Aguest. Petit courage Bella, elle saura de qui je parle. D'accord. Et ben voilà, le meilleur pour la suite. Hein. Exactement, la suite. Exactement. Allez, bonne écoute, à très bientôt. Je vous dis ciao. Transmission.